Un réfrigérateur qui repasse les chemises, ça n'existe pas. Heureusement, Beko vous offre une promotion sur toute sa gamme, gros et petit électroménager. Jusqu'au 30 novembre, Beko vous rembourse jusqu'à 240 euros pour l'achat en une ou plusieurs fois d'au moins deux appareils. C'est vrai, on ne fait pas un café avec un sèche-linge. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Conditions sur beko.fr.